Voici un commentaire de lundi du quotidien coréen Rodong Simun, provocation préméditée pour une collision armée. En voici le résumé. Ces derniers jours, les autorités sud-coréennes recourent aux provocations militaires dangereuses en aval du fleuve Han, sous prétexte de contrôle des activités de pêche illégale des bateaux d'un tiers pays. À cette opération côté Hangang pour l'évacuation des bateaux de pêche d'un tiers pays, sont mobilisés même les vaisseaux de guerre lourdement armés et les hélicoptères. En fait, en aval du fleuve Han, on peut surveiller et vérifier exactement, même à la vue, les mouvements de deux parties. C'est dans ces eaux territoriales délicates qu'une pléthore d'effectifs sont lancés sous prétexte de contrôle des bateaux de pêche d'un tiers pays pour créer la tension à l'extrême. Il s'agit de la provocation militaire téméraire que même aucun ancien gouvernant sud-coréen n'a osé et de la démarche préméditée visant à faire même de l'aval du fleuve Han une zone aiguë de provocation d'une guerre d'agression contre le Nord sans se contenter des eaux territoriales du point chaud dans la mer de l'Ouest où continuent toujours les conflits armés. Le vrai objectif des fanas de guerre sud-coréens n'est pas le contrôle des bateaux de pêche mais une collision armée avec nous. Les autorités sud-coréennes qui s'affairent à allumer à tout prix une mèche de guerre nucléaire sous prétexte de l'opération Hangang pour parvenir à leur ambition d'agression contre le Nord nourrie depuis longtemps sont vraiment ennemis jurés de la nation. Que les autorités sud-coréennes renoncent à la folie de guerre et se conduisent avec raison si elles veulent se débarrasser du sort misérable.